saluons chaque frère, chaque sœur au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Vous êtes déjà fatigué? Êtes-vous fatigué? Alors saluez votre frère, votre sœur à côté. Kumbe la mukia nduku yako na dada yako kupenda. Ile Seigneur vous bénisse. Umwambie kusema Bwana akubariki. Il y a le deuxième schéma qu'on a distribué aujourd'hui. Kuko schéma ya pili ile tulikabula leo. Le deuxième plan. Mapu ya pili. Le premier schéma s'arrêtait jusqu'au 70 semaines de Daniel. Mais le deuxième va jusque dans l'éternité. Lakini ya pili inaenda kufika paka kumilele. Ceux qui n'ont pas reçu ce deuxième schéma. Bale bobalo kupata i ya pili schéma. Doivent attendre jusqu'à ce qu'on imprime d'autres. Banapasha kuchunga paka batoshe ingine. Levons-nous pour la prière et à l'étude de sa parole. Tushimame juu ya maombi na usomi ya neno. Dieu notre Père, Mungu Baba yetu, toi le gérant de nos esprits, weye kiongozi ya maro yetu, la vie et la santé est un don qui vient de toi. Afya na bujima ni zawadi ya kutokea kwako. Et ce matin nous te sommes infiniment reconnaissants. Na hii asubuhi tuko na kushukuru kabisa. Pour ce don de la vie que tu nous as accordé. Tu as zawadi ya bujima unatukaburia. Tu nous as doté de la force. Uretukaburia nguvu. Et tu nous as conduit nos pas jusqu'en ce lieu. Na kuongoza matua yetu kufika na ifuashi. Pour écouter ta parole. Tu ya kushikia neno yako. Seigneur, comme des humains, nous t'avons offensé de plusieurs manières. Bwana, sawa banadamu tulikosea mumanamna ya mingi. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Njo kwa maana tunakulomba buluma. Nous comptons sur l'œuvre du calvaire. Tuko na tumainia kwa kazi ya kumsalaba. Afin que le sang pur. Jo damu safi. Qui a coulé pour les pécheurs. Ile limwangika juu ya batenda dhambi. Puisse nous sanctifier complètement. Ipate kututakasa kabisa. Dieu Tout-Puissant, Bwana Mwenyezi, nous invitons ta miséricorde. Tuko na alika rema yako. Y a ceux qui sont malades au milieu de nous. Kwa benye kwa bagonjwa katikati yetu. La guérison vient de toi. Matunzo yako natokea kwako. Y a ceux qui ont besoin du salut. Benye kuhitaji wokovu. C'est l'objectif qui t'a amené au bas du calvaire. Njo kifukuzio kilikupeleka kumsalaba. Y a ceux qui ont des problèmes. Kuko benye kwa na mahitaji. Toi, tu es un véritable père. Wewe uko baba wa bia kweli. Réponds à chacun de nous selon sa prière. Jibu kwa kila mmoja wetu fatana maombi yake. Nous sommes ici, tuko hapa, non pas pour écouter un discours politique. Aina juu ya kushikia hotuba ya kisiasa. Ou un discours tribal. Au hotuba ya kikabila. Mais c'est pour écouter ta parole. Lakini juu ya kushikia neno yako. Élève-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Utunyanywe pale pa juu ndani ya Yesu Kristo. Donne-nous un entendement meilleur. Utukabule kushikia kuzuri. Ou un auditoire tout entier. Upakale mafuta makutano mzima. Parle-nous Seigneur. Utusungumzie Bwana. Réveille notre conscience. Amsha zamiri yetu. Parce qu'il n'y a plus de temps. Juu hakuna tena wakati. Nous ne voulons pas subir ta colère. Atupende kupata kasirani yako. Mais nous voulons bien aimer Père Céleste. Tunapenda mpendo wa Bwana wa mbingu. De toutes les bénédictions rédemptrices. Ufaidia na mabaraka yote ya kimungu. Et tu nous acquises au bas du calvaire. Ile ulituchukulia kumwacha ya msalaba. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Bénis la parole qui sera lue. Bariki neno itasomewa. Du début à la fin soit honoré. Kumwanzo na kumwisho heshimishwe. Au nom de Jésus Christ. Mungine Yesu Kristo. Nous te demandons ainsi. Tuko na kuomba hivi. Amen. Amen. Dans Apocalypse au chapitre 15. Mu ufunuo sura yake 15. Apocalypse au chapitre 15. Ufunuo sura ya 15. Nous lisons le verset 1. Tuko nasoma mstari ya kwanza. Et nous lirons aussi le verset 7. Tutasoma tena mstari ya 7. Oui, j'ai vu dans le ciel un autre signe. Kisha nikaona kumbingu alama ingine. Grand et admirable. Ya mkubwa tena ya kushangaisha. Cet ange qui tenait les sept fléaux, les derniers. Malaika saba benye kushika mapigo saba yenye kuwa ya mwisho. Car c'est par eux s'accomplit la colère de Dieu. Juu ni kupitia bao kuko natimilika kasirani ya Mungu. Verset 7. Mstari ya 7. L'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Mmoja wa biumbe ai benye kuishi akaleta agizo kwa bali wa malaika saba benye kuya na bikombe vya dhahabu benye kujaa na kasirani ya Mungu mwenye kuishi kumiaka na miaka. Daniel au chapitre 9. Daniel sura ya kenda. Verset 27. Makumi na saba mstari. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Atafanya agano ya nguvu na bamingi kwa juma moja. Et au milieu de la semaine. Na katikati ya juma. Il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Atashimamisha sadaka na zabiu. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Huyo wa kuharibisha bintu atafanyaka bintu byenye kwa bya makufuru. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Kufika paka pale waharibifu na bile bilipangwa juu yake bipate kumwangukia. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana ongeze mabaraka kusomea neno yake. Ces deux jours qui sont derrière nous. Mashiku mbili yenye kwa nyuma yetu. Nous parlions de la colère de l'agneau. Tulianza kusemea juu ya kasirani ya mwana kondo. Après que Dieu ait sauvé l'épouse. Kisha Mungu kuokola bibi wa harusi. Les vierges folles et les 144,000. Babikira bapumbafu na 144,000 ya bayuda. Après que l'antichrist ait brisé l'alliance. Kisha huyu mpinga Kristo kuvunja ile agano. Se mettant en colère contre le 144,000 et les vierges folles. Mwenye kuya mukasirani juu ya kukombanisha bale 144,000 ya bayuda na babikira bapumbafu. En commettant beaucoup de choses abominables. Mukutenda bitu bya mingi bya makufuru. Sans aucun respect envers Dieu ni envers son peuple. Bila kuyata na heshima moya kwa Mungu au kwa taifa ya Mungu. Satan exercera toute sa méchanceté sur la terre. Shetani atatumikiaka bukaidi bwake bote pa dunia. Il se mettra en colère contre Israël. Atashirikiaka Israël. Parce que Israël, après avoir reconnu leur Messie, l'avait rejeté. Dieu Israël qui chaboku yua Messie wabo bari mukatala. Il sera très insolent. Atakuwa mtu wa kibengo sana. Agissant avec beaucoup d'arrogance. Mwenye kutenda na yeuri ya mingi. Comme nous l'avons montré. Ville ambayo tulionesha. C'est à ce moment-là que l'agneau se mettra aussi en colère à son tour. Ni mwile wakati sasa mwana kondoo naye atashirika mwakati yake. Pour châtier tous les habitants de la terre. Juu ya kuapiza bakaji bote bapa dunia. Pour châtier la bête. Juu ya kuapiza nyama. Pour châtier la grande Babylone. Juu ya kuapiza Babyloni mkubwa. Ça sera un temps de purification. Itakuwa ni wakati ya kutakasa. Nous avons montré qu'à ce moment-là, tulionesha kusema mwile wakati ile, l'agneau n'est plus agneau. Mwana kondo, ashitakuwa tena mwana kondo. L'agneau maintenant est en colère. Mwana kondo sasa pale eko mukashirani. Et nous avons montré Natulionesha que la colère de Dieu s'abat sur la terre dans deux phases. Kusema kasirani ya Mungu iko naangukia banadamu bapa dunia mu vipande mbili. Premièrement avec cet ange kia kwanza na ile malaika saba au cette trompette de la colère de l'agneau. Mu maparapanda saba ya kasirani ya mwana kondo. Deuxièmement, ya pili, c'est avec les sept anges, ni naba malaika saba, aux sept coupes, mu bikombe saba, tena les derniers fléaux, yenye kushika mapigo ya mwisho, les sept derniers fléaux, mapigo ya mwisho saba, qui seront versés sur la terre. Ile itapunguziwa pa dunia. Et nous avons montré na tulionesha tena qu'après le départ de l'épouse, kisha kunyakuliwa kwa bibi wa harusi, le salut des vierges folles ainsi que les 144,000 wokovu ya babikira wapumbafu na bale 144,000 ya bayuda. Il n'y aura pas de paix sur la terre. Hakuta kuyaka tena salama pa dunia. Tous les hommes de la terre ne seront pas en repos. Bakaji bote ba pa dunia abata kuya tena mapumziko. Parce que à cette époque là, juu mwile wakati ile, comme Christ est devenu maintenant en colère, l'agneau en colère, vile Christu atakuwa sasa mwana kondo mwenye kushirika, il n'y a plus à épargner sur la terre. Hakutakuwa tena kintu kya kuepusha pa dunia. La terre est remplie seulement de méchants, ulimwengu itakwesha kuyala paka na bantu babaya, et des incrédules, na bakutokuamini, qui ont rejeté la grâce de Dieu, bale barikatalaka nema ya Mungu, du côté des nations, kungambo ya bata mataifa, au temps de cet état de l'église, mwakati ya bizazi saba ya kanisa, et du côté aussi d'Israël, na kungambo ya Israel, pendant que les deux prophètes, wakati bale banabi mbili, Élie et Moïse, Elia na Musa, prêcher l'évangile du salut aux Juifs. Baranza kuhubiri injili ya wokovu kwa Yuda. Ça sera un temps terrible. Itakuwa ni wakati hatari. Il y aura la souffrance. Kutakuwa mateso. Il y aura des douleurs. Kutakuwa maumivu. Il y aura des tourments. Kutakuwa mangaiko. Et frère Frank dit, Nanduku Frank eko nasema, ce n'est pas bien. Aina kitu kizuri. On ne conseille personne. Atushauri mtu hata mmoja. De se retrouver sur la terre. Apatikani pa dunia. À ce moment-là. Mwile wakati ile. Comme nous l'avons montré. Vile ambao tulionesha. Les gens chercheront la mort. Bantu watatafutaka lufu. Et la mort. Na lufu. Fuira loin d'eux. Lutabakimbia mbali. C'est vrai frère. Ni bya kweli nduku. C'est un temps d'angoisse. Ni wakati ya mateso. De Jacob. Ya Yakobo. Vous voyez, avant que Jacob. Unajua kusema mbele ya Yakobo. Puisse recevoir la bénédiction de Dieu. Apate kupata baraka ya Mungu. Il a dû traverser une période d'angoisse. Alipitaka mbele mwa wakati mwa ya mateso. Pourquoi? Juu ya nini? Il devait payer. Alipasha kulipa. L'acte qu'il avait posé contre son frère Esaü. Kitendo kile alitendeaka ndugu yake Esau. Il lui avait volé les droits d'aînesse. Alimuibaka alali ya kuzaliwa kwa kwanza. Et il devait payer cela. Na alipasha kwanza alipe ile. Ça sera aussi un temps terrible. Itakuwa tena wakati hatari. Tous ceux qui n'ont pas reçu les sceaux de Dieu, bote bale ambao bakupokeaka muhuri ya Mungu, seront châtiés. Bata abizwaka. Et si quelqu'un ne reçoit pas les sceaux de Dieu, na kama mtu ashipokee muhuri ya Mungu, il sera obligé de recevoir la marque de la bête. Atalazimishwaka apate chapa ya nyama. Et d'adorer ou d'adorer le nombre de la bête. Au ya kuabudu ile hesabu ya ule nyama. Et c'est à ce moment-là. Na nimu ile wakati. Que tous ceux qui ont rejeté les sceaux de Dieu, le Saint-Esprit. Ambao bale bote barikatala muri ya Mungu yenye kwa Roho Mtakatifu. Seront châtiés. Bata apizwa mwile wakati. Ils sentiront la colère de l'agneau. Batashikiaka kasirani ya mwana kondo. Et tous ceux qui adoreront l'image de la bête. Na bote bale bataabudwaka picha ya nyama. Parce qu'à cette époque, ils ne sauront ni acheter ni vendre. Jo mwile wakati akutakuwa kuuza au kujisha. La vie de tout homme à cette époque là. Maisha ya kila mtu mwile wakati ile. Sera conditionné par. Itakuwa na mipango kupitia. Le scellement de la marque de la bête. Muhuri ya picha ya nyama. Ou l'adoration de l'image de la bête. Au kuabudu ile sanamu ya nyama. C'est pourquoi aujourd'hui, que chacun de vous prenne des précautions pour recevoir le Saint-Esprit. Kila mmoja wetu achukue mipango juu ya kupokea Roho Mtakatifu. Si vous ratez l'enlèvement, kama unapusa kwenda mkunyakuliwa, ces choses que vous entendez, ibi bintu ambao kunashikia, s'accompliront sur vous. Bitatimilikaka yulu yako. Mais ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle, lakini benye kutayarishiwa juu ya buzima bwa milele, sont attentifs, beko basikilivu, à ce que le Saint-Esprit, mukile Roho Mtakatifu, dit à l'église, iko nasema ku kanisa. C'est ainsi que vendredi nous vous avons montré. Ni mwile namna mukazitano tulimeonesha. Que les derniers sept fléaux. Kusema iya mwisho mapigo saba. Qui seront versés par ces sept anges ou cette coupe. Ile itapunguziwaka na bale wa malaika saba mubikombe saba. Nous vous avons montré. Tulimeonesha. Que le premier ange. Kusema malaika ule wa kwanza. Avait versé sa coupe sur la terre. Alipunguza kikombe yake pa dunia. Et sur ceux qui avaient la marque de la bête. Na yulu ya bale balikuwa na ile alama ya nyama. Le deuxième. Wa pili. Avait versé sa coupe sur la mer. Alipunguza kikombe yake mu bahari. Et sur les eaux qui devinrent du sang. Na kuma maji ikakuwa damu. Le troisième. Kule wa tatu. Avait versé sa coupe sur le fleuve. Alimwanga mubari. Et sur les sources d'eau. Na kumachemchemu ya mitoni. Le quatrième. Waine. Avait versé sa coupe. Alipunguza kikombe yake. Sur le soleil. Kujua. Et ce soleil brilla beaucoup de personnes. Na ile yua ikachoma bantu mingi. Qui mourirent de ce fléau. Bakakufa mwile mapigo. Le cinquième. Watano. était versé sur le trône de la bête. Arimwanga yulu ya kiti ya ezi ya nyama. Et le sixième, wa sita, était versé sur le fleuve Euphrate. Arimwanga pale pamuto ya Euphrate. Kitari, ile ambayo ilikauka. Et nous vous avons dit, na turimionesha, que c'est ça même le début, kusema njo yenye kuya mwanzo, de la guerre d'Armageddon. Ya mvita ya Armageddon. Ça sera terrible. Itakuwa hatari. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. La guerre d'Armageddon. Mvita ya Armageddon. Et la troisième guerre mondiale. Njo mvita ya tatu ya ulimwengu mzima. Qui se manifestera à son temps, il est ambo itonekanaka mwakati yake, à cause de la haine contre Israël. Jutu ya chuki ya kukombanisha Israël. Après la guerre d'Armageddon, kisha mvita ya Armageddon, le jugement de la bête, hukumu ya ule nyama, la destruction de la grande Babylone, kuharibika kwa Babylone mkubwa, Satan sera lié pour 1000 ans. Shetani atafungwa miaka 1000. Il y aura le jugement des nations. Kutakuwa hukumu ya bantu ya mataifa. Après le jugement des nations, kisha hukumu ya ba mataifa, il y aura la résurrection de 144,000 et des vierges folles. Kutakuwa kufufuka kwa 144,000 na babikira wapumbafu. Pour entrer dans le millénium. Juu ya kuingia mu miaka 1000. Nous vous avons dit, tulimionesha, que la septième trompette, kusema parapanda ya saba, d'Apocalypse 11, ya Ufunuo 11, dans son verset 15, mu mstari yake ya 15, annonce le règne de Christ, inatangaza utawalo ya Kristo. Mais dans Apocalypse 8 verset 1, lakini mu Ufunuo sura 8 mstari yake ya kwanza, qui nous parle du septième sceau, yenye kutusungumuzia juu ya muri ya saba, dans lequel il y eut dans le ciel un silence d'environ une heure et demie, mule ambayo murikuya kimya mumbingu kadiri ya kipande kya wakati, parle de la venue du Seigneur. Il est nasemea juu ya kuya kwa Bwana. C'est vrai. Ni kweli. Notez très bien ceci. Mwandike mzuri. Le septième sceau, muri wa saba, qui a été ouvert au temps de Frère Branham, ile ambayo ilifunuliwaka mwakati ya nduku Branham, en 1963, mu 1963, ne s'est jamais accompli. Yo balo kutimilika. Et n'a pas été révélé. Son secret n'a pas été révélé. Na siri yayo haikufunuliwaka. Quand le septième sceau fut ouvert, wakati muri ya saba ilifunuliwa, il y eut un silence d'environ une demi-heure. Kurikuya kimya kadiri ya kipande kya wakati. Le ciel se tu. Kumbingu kurikala kimya. Tous les anges. Ba malaika bote. Le kérubin. Ba kerubi. Se sont tu. Barikala kimya. Dans le ciel, il n'y avait aucune activité. Mumbingu amkukuya ta kaji moya. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que ce sceau, juu ile muri, contient le secret. Ilikuwa na ndani yayo na masiri. Du jour. Ya shiku. De l'heure. Ya wakati. De la date, ya date, du retour du Seigneur, ya kurudia kwa Bwana. personne ne peut connaître ni les jours ni les du retour du Seigneur, même pas les anges. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans Matthieu 24, dans le verset 36, en parlant du jour et de l'heure, Jésus était clair et précis. Il répondit, personne ne les connaît. Lorsqu'il est ressuscité, avant de monter au ciel, dans Actes chapitre 1, verset 6, les disciples voulaient connaître ce jour, la réponse de Christ était claire. Il dit, disons cela, Actes des apôtres, Matendo ya Bamitume, au chapitre 1, sura yake ya kwanza, dans son verset 6, mustari yake ya sita. Alors les disciples réunis lui demandèrent, Seigneur, sasa mitume bakakusanika na kumuliza Bwana, et en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël, et ni mwile wakati ambayo utarudishaka ufalme ya Israel. Il est répondu, akabajibu, ce n'est pas à vous de connaître le temps aina kwenu mpate le moment na wakati que le Père a fixé de sa propre autorité, ambayo Bwana aliweka mu mamlaka yake mwenyewe. Mais vous recevrez une puissance. Lakini mutapokea uwezo. Le Saint-Esprit survenira sur vous. Roho Mtakatifu atakuwa juu yenu. Et vous serez mes témoins. Na mtakuwa washuhuda wangu. Ku Yerusalemu. Dans toute la Judée. Ku Yudea yote. Dans la Samarie. Samaria. Et jusqu'aux extrémités. Kufika pa ku mipaka ya dunia. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Mais retenez ceci. Lakini muchunge iki. Le septième sceau. Muori wa saba. A été ouvert. Ilifunuliwa. Mais ce septième sceau. Lakini muori wa saba. N'a pas été révélé. Yo balo kufunuliwa. Mais dans le septième sceau, lakini mule muri wa saba, le Saint-Esprit a seulement révélé Rom takatifu alifunua tu la scène mambo du septième sceau ya muri wa saba. La scène du septième sceau a été révélée mambo ya muri wa saba ilifunuliwa. Lorsque ce sceau fut ouvert, wakati hii muri ilifunuliwa, mais pas son secret, lakini hapana siri yayo. Quel est le secret du septième sceau? Siri ya muri wa saba ni nini? Le secret du septième sceau, siri ya muri wa saba, c'est le jour ni shiku et l'heure na wakati du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ya kurudia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Si quelqu'un te dit, kama mtu anakuonesha, qu'il connaît le secret du septième sceau, sema anajua siri ya muri wa saba, alors qu'il te dit, sasa akoneshe, le jour shiku, et l'heure na saa du retour du Seigneur, ya kurudia kwa Bwana. Mais quiconque, lakini yoyote, fixe un jour et l'heure, quiconque yeyote fixe un jour anaweka shiku moya et l'heure na saa du retour du Seigneur Jésus Christ, ya kurudia kwa Bwana, il devient un antichrist, anakuwa paka pale mpinga Kristo, et il est opposé à l'écriture. Na ni mwenye kukombanisha andiko. Il dit des mensonges. Eko nasema bia bongo. Et Frère Branham à prêcher dans les sceaux et dit, si quelqu'un te dit qu'il connaît l'heure et le jour du retour du Seigneur, soyez sûr qu'il est dans l'erreur. L'Église est avec moi. Mais le septième sceau, lakini muhuri ya saba, couvre toute la période, inafunika wakati yote, qui va de fin de l'âge des nations, yenye kuanzia kumwisho ya kizazi ya mataifa, la fin des âges des nations, mwisho ya kizazi ya mataifa, se clôture avec le retour du Seigneur Jésus-Christ pour enlever son église. Iko na marizika na kurudia kwa Yesu Kristu mkunyanyua bibi wa arusi wake. Le septième sceau, muhuri ya saba, couvre toute la période, iko nafunika wakati yote, qui va de l'enlèvement, yenye kuanzia mkunyakuliwa, jusqu'à l'entrée au millénium, kufika paka mkuingia mumiaka elfu moja. Bile biote, c'est le septième sceau, ni muhuri wa saba. Vous voyez, mon âme, le septième sceau, muhuri wa saba, couvre toute la période, iko nayo ndani yayo ile wakati yote, qui va durer tout du Seigneur, yenye kuanzia mkurudia kwa Bwana, ou de la fin des âges des gentils, ao mwisho wa bizazi ya watu wa mataifa, ou encore de l'enlèvement, ao kunyakuliwa, jusqu'à l'entrée au millénium. Kufika paka mkuingia mumiaka elfu moja. Et même jusque dans l'entrée à l'éternité. Ao kufika paka mkuingia mumilele. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham ekonasema hivi. Dans le septième sceau, muhuri wa saba, tradition Canada, kugeuza kwa Canada, commençons au paragraphe 229. Tuanzie pa nukta yake ya 229. Allez jusqu'au paragraphe 235. Kwenda paka ku 235. Ou lisez jusqu'au paragraphe 244. Au msome paka ku nukta ya 244. De 229. Kuanzia pa 229. Jusqu'à 244. Tradition Canada. Kufika pa 244 kugeuza kwa Canada. Mais dans la tradition suisse, lakini mugeuza kwa Suisse, c'est de 253, ni kuanzia 153 jusqu'à 154. Écoutez. Musikilize. Bon maintenant, bon sasa, nous allons prendre le verset 8. Tutabeba ile sura ya 8. Ou le premier verset je vais dire. Au mstari wa kwanza tafema. Du chapitre 8 Apocalypse 8:1. Ufunuo 8 sura mstari wa kwanza. Je sais que vous êtes fatigué. Najua kwamba mnachoka. Mais maintenant, lakini sasa, essayez seulement d'écouter pendant quelques minutes là. Mupime yako kushikia wakati mmoja kiloko pale. Que le Dieu du ciel nous aide, c'est ma prière. Mungu akumbinga apate kutusaidia, ndio maombi yangu. Nous devons nous rappeler que ce septième sceau, tunapata kukumbuka kusema hii muhuri ya saba, c'est la fin, ni mwisho, du temps de toute chose, ni mwisho ya wakati ya bintu byote. C'est exact, ni bya kweli. Les choses écrites, vitu vyenye kuandikwa, dans les livres scellés de cette sceau, mu kitabu kyenye kufungwa miuri saba, qui était scellé, ile ambayo ilifungwaka, au sujet du plan de la rédemption, ku mambo yanaangalia mapu ya wokovu, depuis, tangia, dès avant la fondation du monde, mbele ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu, tout ça, byote bile, ça se termine au complet, vinatimilika byote vyenye kueneana. C'est la fin, ni mwisho, c'est la fin de ce monde qui se débat, ni mwisho ya ulimwengu ambayo iko nakombana. C'est la fin de la nature qui se débat, ni mwisho ya asili maumbile hii iko nakombana. C'est la fin de tout, ni mwisho ya byote. C'est là que se trouve la fin des trompettes, ni mule mnapatikana tena mwisho ya maparapanda. C'est la fin des coupes, ni mwisho ya mabikombe. C'est la fin de la terre, ni mwisho ya ulimwengu. C'est la fin du temps. Ni mwisho ya wakati. Vous voyez? Munaona? Dans le millénium. Mumiaka elfu moja. Le temps ne se termine pas. Wakati yo balo kumalizika mule. Dans le millénium. Mumiaka elfu moja. On compte encore les jours, les mois et les années. Kuko nesabiliwa tena mashiku, miezi na miaka. Mais le septième jour. Lakini muri ya saba. C'est même la fin des temps. Ni mwisho ya wakati. Vous voyez. Munaona. Il n'y a plus de temps. Hakuna tena wakati. La Bible l'a dit. Biblia yo isema. Apocalypse 10. Ufunuo sura ya 10. Le verset 1 à 7. Il n'y a plus de temps. Mstari wa kwanza mpaka saba hakuna wakati. L'ange a dit. Malaika alisema. Il n'y a plus de temps. Hakutakuwa tena wakati. À ce moment-là. Mwile wakati. Au jour où ce grand événement se produirait. Mwile shiku ambayo hii maandamano mkubwa itafanyika. Tout arrive à sa fin. Biote binafika kumwisho. Dans cette période-là. Mwile wakati ile. La fin du. La fin de ce septième sceau. Mwisho ya hii muhuri ya saba. Remarquez. Angalia. C'est la fin. Ni mwisho. De l'âge de l'église. Ya bizazi ya makanisa. Ni mwisho. Du septième sceau. Ya muhuri ya saba. C'est la fin. Ni mwisho. De trompette. Ya maparapanda. Ni mwisho. De coupe. Ya bikombe. C'est même la fin. Ni tena mwisho. De l'introduction. Ya. Au millenium. Ya kuingia mumiaka elfu moja. Vyote bile. C'est dans. Ni ndani. Le septième sceau. Ya ile muhuri ya saba. Voyez. Munaona. C'est comme quand on lance un fusée dans l'air. Ni sa vile banatuma fusée muhewa. La fusée explose ici. Fusée inapomoka hapa. Et elle monte. Na inapanda. Elle explose encore. Inaenda tena kupomoka fasi nyingine. Elle fait jaillir 5 étoiles. Inatumba ile manyota saba. L'une de ces étoiles explose encore. Moya ile manyota na wewe inaenda kupasuka kule. Elle produit elle propulse 5 étoiles. Na tosha na wewe tena manyota saba. L'une de ces étoiles explose. Tena moja tena ile nyota inapasuka. Elle propulse 5 étoiles. Na wewe na tosha tena manyota tano. Vous voyez. Unaona. Ça continue comme ça. Biko naendelea paka vile. Jusqu'à ce que fika paka pale. Pasetenye. Inashimama. Comprenez-vous cela? Eti munaelewa ile? C'est comme ça. Ni mwile namna. Pour le septième sceau. Juu ya ile muhuri ya saba. Il met simplement la fin du temps pour ce monde. Anaweka tu mwisho ya wakati juu ya hii dunia. Il met la fin au temps pour ceci. Anaweka mwisho ya wakati juu ya hii. Met fin au temps pour cela. Anaweka mwisho juu ya ile. Il met la fin au temps pour ceci. Anaweka mwisho ya wakati juu ya hii. Il met fin au temps. Anaweka mwisho ya wakati. Absolument. Kabisa kabisa. Tout s'est terminé. Biote bina malizika. Dans ce septième sceau. Mu ile muhuri ya saba. Comprenez-vous cela? Eti munaelewa ile? Comprenez-vous cela? Eti munaelewa ile? Vous voyez? Munaona. Oh. Japo. Remarquez. Angalia. L'ouverture de ce sceau. Mukufunuliwa kwa hiyo muhuri. C'était quelque chose de tellement important que le ciel en a été plongé dans le silence pendant une demi-heure. Donc c'est quelque chose d'important, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Les cieux se sont plongés dans le silence. Il n'y a pas eu le moindre mouvement pendant une demi-heure. Akukukwe kitu kile kilianza kutenga kadiri ya 30 minutes. Or, une demi-heure. Japo kipande kia wakati. Ce n'est peut-être pas long. Haina hata mrefu. Quand on s'amuse. Wakati bantu beko mkufurahi. Mais. Lakini. Quand on est suspendu. Sasa wakati kama bana kushimamisha. Entre la mort et la vie. Wakati unashimama katikati ya lufu na bujima. Ça semble long comme le Milan. Iko naonekana inakuwa mrefu sawa miaka 1000. Ni kitu kimoja cha kabaila kabisa. Jésus. Yesu. N'a jamais fait mention. Aucun des autres non plus. Pas d'autres prophètes. Jean n'a même pas pu l'écrire. Non. Apana. Il lui a été défendu de l'écrire ici. Vous voyez. Unaona. Les 24 anciens se tenaient là devant Dieu en train de jouer leur harpe. Ils ont arrêté de jouer de la harpe. Les anges ont cessé leur chant dans le ciel. Les saints chérubins, les saints que Esaïe avait vu dans le temple, voyez, qui se couvraient de face. Des poux qui avaient super qui se couvraient de super. Deux pour se couvrir la face. Deux pour se couvrir les pieds. Et en volant. Jour et nuit. Ils sont devant Dieu. Ils chantent ça. Et le Seigneur Dieu tout-puissant. Et même. Quand ils sont entrés, quand ils sont arrivés dans le temple, les fondements du temple ont été ébranlés par leur présence. Et ces saints séraphins se sont tus. Les anges ont arrêté de chanter. Vous voyez, toute l'armée du ciel a gardé silence pendant une demi-heure. Alors que ce mystère du septième sort du livre de la rédemption était ouvert, on saisit. Vous voyez, mnaona. Le septième sceau, on ne peut pas parler de l'accomplissement du septième sceau. Muri wa saba tuwezi kusema kutimilika kwa muri wa saba. L'église est avec moi. Kanisa iko na mimi pamoja. On ne peut pas parler. Hatuwezi kusemea. De l'accomplissement du septième sceau. Kutimilika kwa muri wa saba. Dans l'âge de Laodicée. Omo kizazi kya Laodikia. Dans lequel. Mule ambayo. Tous les mystères sont révélés. Masiri yote ilifunuliwa. Comme je vous l'avais signalé. Vile nionesa. La révélation de cette sceau est différent de l'accomplissement de cette sceau. Na kutimilika kwa miuri saba. Vous voyez que le septième sceau à lui seul, pour une longue période, c'est la fin de toutes choses. Ni mwisho wa vitu vyote, iko na kipande kinene. La fin des âges. Mwisho wa bizazi. Vient à la fin de l'âge de la Odyssée. Quand le dernier élu entre au corps. Et lorsque Christ vient maintenant enlever l'épaule. Pour aller au nos. C'est à ce moment-là. C'est l'accomplissement du septième sceau. C'est la raison des explications de Frère Branham. C'est comme un fusée. Vous voyez, quand les âges de l'église se terminent, quand l'église est enlevée, on lance les fusées. Kanisa inanyakuliwa bana tupa fusée. Quand on arrive à 3h30, l'alliance est brisée. Il y a des événements qui apparaissent. Quand on arrive à la fin de la 70e semaine de Daniel, il y a un autre événement. La fusée explose. Il y a la guerre d'Armageddon. Vous voyez, il y a le jugement des nations. Il y a la descente et de 144 000 ainsi que des vieilles folles. Et après, ils entrent dans le millénium. Il y a encore un autre événement. Jusqu'à ce que on arrive dans une période où on ne peut plus compter le temps. Mulatu, abawezi kuhesabia tena wakati. Où c'est maintenant l'éternité. Mule ni paka milele. L'église est avec moi. Jusque là ça va. Kufika paka pale binaendeka. Jusque là ça va. Eti kufika paka pale biko sawa. Je dis est-ce que jusque là ça va? Quand je pose la question, répondez. Wakati niko nauliza mujibu. Si vous ne, si ça ne va pas, je reprends. Kama biendeke mimi naulizi, narudia. Ndio kazi yangu angaje. Ni juu ya ile Mungu aliniweka mkazi juu nimefasirie. Mupate kuelewa. Voyez bien, mes frères. Mon nom n'a pas de J'avais tiré votre attention, je le reprends encore. Niliweka angalisho yenu na mimi narudilia hapo tena. Les sept tonnerres d'Apocalypse 10 miuri mangurumu saba ya Ufunuo 10 ne concerne pas les nations non. Ayangalie batu ya mataifa hapana. Les paroles qu'on prononce les sept tonnerres ne concerne pas les nations. Non. Misemo ile ilisema ba mingurumu saba yangalie ba mataifa hapana. Prononce les sept tonnerres concerne Israël. Masauti ile mingurumu saba ilisema inaangalia paka Israël. Wakati mingurumu saba na mingurumu inatimilika, il n'y a plus de délai. Hakuna tena wakati. Ni mwakati avec Israël. Mungu yuko natumika na Israël. Kitu harusi acha kunakuliwa. Mu sura ya 4. Et quand l'ange, na wakati malaika ule wa uwezo d'Apocalypse 10 wa Ufunuo 10 descend, anashuka et gronde, na ananguruma, il ne reste que 3 ans et demi, kuko nabakia tu miaka 3 na kipande. Vous voyez, unaona, jusqu'au 1000 ans, kufika paka miaka 1000. Quand l'ange d'Apocalypse 10 wakati malaika wa Ufunuo mwenye kuwa moja moja, mwenye kuwa malaika moja moja, de Daniel chapitre 12 wa Daniel sura 12 dans son verset 5 à 6 mumustari yake ya 5 ya 6 wakati ya analamuka anasema kuna wakati cela ile c'est au milieu ni katikati de la 70e semaine de Daniel ya majuma 17 ya Daniel et là il ne reste na pale peko na bakia tu que 3 ans et demi miaka 3 na kipande pour arriver à la guerre d'Armageddon et au millénium juu ya kufika kumvita ya Armageddon na kumilenium. Vous voyez, munaona ce qu'il faut comprendre. Njele munapasha kuelewa. L'ange d'Apocalypse 10 malaika wa Ufunuo 10 ne gronde pas ashingurume dans le 7e âge de l'église qui est l'âge de l'Odyssée. Non, ça n'a aucune écriture biblique. Ashingurume mkizazi kia saba kia laodikia vina vina kuandikiwa mu Biblia. La réponse dans la Bible est claire. Jibu mu Biblia iko wazi. C'est pendant 3 ans et demi, c'est clair. Ni mu miaka 3 na kipande biko wazi. Même lorsque nous prenons Apocalypse 11. Ata wakati tunabeba Ufunuo 11. Dans son verset 1 à 2. Mustari yake ya kwanza na ya pili. On me donna un réseau semblable à une verge. Bari nikaburia ritete ya kufanana na fimbo. En disant lève-toi. Mukuniambia simama. Mesure le temple de Dieu. Pima bulefu bwa ekalu ya Mungu, mazabao. Et ceux qui adorent. Na benye kuabudu. Mais. Lakini. Le parvis extérieur du temple. Kipande kile kia inje kekalu. Laissez-le de côté. Ukiache pembeni. Et ne le mesure pas. Na ushikipime. Mais. Il a été donné aux nations. Ju kile kilipewa kuba mataifa. Et. Elles fouleront au pied. La ville sainte pendant 42 mois. Na batafinyanga kumikulu muji takatifu mumiezi makumi ine na mbili. Voyez, munaona. Ça c'est après inikisha le brisement de l'alliance kuvunjika kwa agano de Daniel chapitre 9 ya Daniel sura ya kenda verset 21 mstari 21 et Daniel 9 verset 21 na Daniel kenda 21 dans sa partie 2 ou B qui parle d'après le brisement de l'alliance kenye kusemea kisha kuvunjika kwa agano c'est cette portion de l'écriture ni ile kipande ya andiko ile parle du sixième sceau iko nasemea juu ya muhuri wa sita qui parle de la tribulation yenye kusemea juu ya mateso mkubwa. C'est pourquoi il est dit Jokamani, les dévastateurs ule muharibifu commettra beaucoup de choses atafanyaka vitu vya mingi. Vous voyez, munaona, quand l'alliance est brisée, wakati agano inavunjika, la grande tribulation mateso mkubwa commence, inaanzia pale. Et la grande tribulation est une partie aussi na yoni kipande du septième sceau, c'est l'accomplissement du septième sceau du septième sceau na kioni kutimilika kwa muhuri wa saba et du sixième sceau na muhuri wa sita, parce que une partie du sixième sceau ndio kipande kia muhuri wa sita encore dans le septième kinapatikana tena muhuri wa saba. Vous voyez, mnaona, après que Dieu ait achevé de punir toute la terre, kisha Mungu kumaliza kuapiza ulimwengu mzima, de punir la bête, kuapiza ule nyama, de punir tous les incrédules, kuapiza bakuto kuamini bote, de punir la grande Babylone, kuapiza Babylone mkubwa, à la fin kumwisho kule, quand vous regardez dans le schéma que je vous ai donné, wakati munaangalia mui makartasi nilimikaburia, à la fin kule kumwisho kule, qu'est-ce qu'il y a à la fin, ni nini kwa kumwisho, il y a à la fin des 70 semaines de Daniel, de la 70e semaine de Daniel, kumwisho ile juma ya mwisho ya Daniel, ou à la fin des 70 semaines de Daniel, au kumwisho majuma 17 ya Daniel, il y a la guerre d'Armageddon, huko mvita ya Armageddon, la troisième guerre mondiale, ne quoi vita ya après la guerre d'Armageddon, kisha vita ya ulimwengu mzima, vient le jugement des nations, kuna kuya hukumu ya mataifa, dont Jésus a parlé, mule ambao Yesu alisemea, dans Matthieu au chapitre 25, mu Matayo 25, dans son verset 31, mustari yake ya 31, Matthieu chapitre 25, Matayo 25, dans son verset 31, mustari ya 31, lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire, wakati mwana wa mutu, avec tous les anges, wakati mwana wa mutu atakuya katikati ya utukufu, il s'assiera sur le trône de sa gloire, atekalaka muezi ya utukufu, et toutes les nations na mataifa yote seront devant lui, takuya mbele yake. Après la guerre d'Armageddon, kisha mvita Armagedoni, après le jugement de la bête, kisha hukumu ya ule nyama, et du faux prophète, na banabii ba bongo, intervient, kutakuwa la sasa, intervient, pale kutakuwa sasa, le jugement des nations, hukumu ya ba mataifa. Vous voyez, munaona, et entre la fin de la 70e semaine de Daniel, na katikati ya mwisho wa majuma 17 ya Daniel, et le début du millénium, na mwanzo ya mwaka 1000, il y a un temps de prolongation, kuko wakati moya ya ile barirefusha, de 75 jours, ya mashiku 75, pour arriver, pour que la fin soit nécessaire, jumuisho ipate kuwa mzuri, afin de préparer, juu ya kutayarisha, l'avènement du millénium, maandamano ya miaka 1000, à la fin kumwisho des 70 semaines de Daniel, ya majuma 17 ya Daniel, de la 70e semaine de Daniel, au ya ile juma ya mwisho mu 17 ya Daniel, une prolongation, un temps de prolongation. Ko wakati ba refusha. Ce temps de prolongation. Ile wakati ba refusha. De 1290 jours. Ya 1990 jours. De 1335 jours. Ya 1335 jours. MSC. ni ya mafaa, pour préparer juu ya kutayarisha maandamano millenium ya miaka 1000. Dans Daniel au chapitre 12, mu Danieli sura ya 12, dans son verset 7, mu stari yake ya 7, dans son verset 11, mustari yake ya 11, nous lisons ceci. Tuko nasoma hivi. Ici vous voyez, hapa mko naona, au verset 7, mustari ya 7, il est parlé de 3 ans et demi, inasemewa juu ya miaka 3 na kipande, pour arriver à la fin de la 70e semaine de Daniel. Juu ya kufika mwisho wa majuma 17 ya Daniel. Maintenant dans le verset 11, sasa mustari ya 11, depuis le temps, tangia wakati, où cessera le sacrifice perpétuel, mule sadaka ya milote itamarizika, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, na kule kutafanika makufuru ya kuharibisha, kutakuya 1290 jours, kutakuya 1290 jours, 1290 jours, 1290 jours. Verset 12. Kuminambili. Heureux celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Heri ule ambayo atafikaka na atafika kufika paka mu 1335 jours. Et toi, na weye, marche vers ta fin. Wende paka mwisho yako. Tu te reposeras. Utapumzika. Et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Na utashimamaka juu ya urithi yako kumwisha mashiku. Oui. Mnaona? Donc il y a un temps de prolongement. Joko wakati ile bana lefusha. De 75 jours. Ya mashiku makumi 75. Qui sont nécessaires. Yenye kwa ya kabaila ya mafaa. Pour préparer l'avènement du millénium. Ya kutayarisha maandamano ya miaka 1000. Quand le millénium arrive, wakati miaka 1000 inafika, les noces de l'agneau sont terminées. Makaramu ya mwana kondoo inamalizika. Satan est lié sur la terre après la guerre d'Armageddon. Shetani anafungwa pa dunia kisha vita ya Armageddon. L'épouse maintenant descend avec son époux. Bibi harusi sasa anashuka na bwana wa harusi. Maintenant ils ne sont plus époux épouse. Pale sasa batakuwa tena bibi na bwana. À ce moment-là, ils sont devenus mari et femme. Pale batakuwa sasa bibi na bwana. Ils descendent maintenant dans le millénium. Bana shuka sasa mule miaka 1000. Pour régner. Juu ya kutawala. C'est vrai. Ni kweli. Et les 144,000 ressuscitent. Na 144,000 bana fufuka. Ils entrent aussi dans le millénium. Na bo bana ingia mu miaka 1000. Suivez-moi très bien. Monifate Muzuri. Quand le millénium commence, quand le règne du millénium commence, wakati utawala ya miaka 1000 inaanza, c'est au début du millénium. Ni kule kumwanzo ya miaka 1000. Que la nouvelle Jérusalem descend du ciel. Kule ambao Yerusalema mupya iko na shuka toka mbingu. Quand la nouvelle Jérusalem descend du ciel, wakati Yerusalema mupya na shuka toka mbingu, elle descend, inashuka, et elle s'arrête, na inashimama, au-dessus yulu de la ville de la Jérusalem terrestre. Inashimama yulu ya muji ya hii Jerusalem ya padunia. Au début du règne du millénium, kumwanza utawala ya mwaka 1000, la nouvelle Jérusalem descend, Yerusalemu mpya itashuka. Elle s'arrête au-dessus de la Jérusalem terrestre. Itashimama yulu ya Yerusalemu ya hapa pa dunia. C'est vrai. Ni bia kweli. Dans le millénium, mumiaka elfu moja, d'un côté, ngambo moja, nous avons la nouvelle Jérusalem, tuko na Yerusalemu mupya, qui descend du ciel, yenye kutoka kumbingu, qui est l'habitation, yenye kwa makao, de l'épouse de Jésus-Christ, ya bibi harusi wa Yesu Kristu. Et de l'autre côté, na kungambo ingine, il y a la Jérusalem terrestre, tuko Yerusalem ya padunia, qui est la demeure, yenye kwa makao, de qui est la demeure d'Israël, ya batoto ya Israël, sur la montagne, avec la montagne de Sion, kumulima wa Sioni. L'épouse des nations, bibi wa rusi wa mataifa, qui est devenue la femme de Christ, kula nakuwa sasa bibi wa Kristu, ne va pas habiter ensemble avec les 144,000. Asiteka laka pamoya na bale 144,000 ya Bayuda, na babikira wapumbafu, avec les nations, avec na bato ya mataifa. Non, apana. Comme on va le montrer encore, vile tutaonesha tena, parce que dans le millénium, jumu miaka elfu moja, il y aura des gens, kutakuwa bantu, des nations, ba mataifa, qui vivront, bale batakuwa bajima, ces gens là, bale bantu, ne sont même pas nés de nouveau, abana taba kuzalika mara ya pili, mais ces hommes là, bale bantu, ils vivront, bataishi, à cause de la promesse que Dieu avait faite à Israël, juya malako mungu alifanishaka Israël, qui disait, ile anza kusema, celui qui bénit Israël, kula tabariki Israel, na ya tabarikiwa, kula na laani Israel, na ya talaaniwa, kutakuwa mataifa mvita ya Armageddon. Unaona, mwile mvita ya tatu ya ulimwengu mzima, batakuwa kungambu ya Israel juu ya kumkombania. Unaona, savile Mungu yuko waki, Mungu atabapa tena miaka elfu moja juu wapate kuishi. Unaona, c'est que vous verrez que dans le millénium, njo kama mtaona mumeaka elfu moja, on va con, il y aura des enfants qui naîtront, kutakuwa batoto batazarika kakule. Dans le millénium, mumeaka elfu moja, il y aura des maisons à construire, manyumba batayengaka. Dans le millénium, mumeaka elfu moja, vous remarquerez qu'il y aura du péché, mtaona kutakuwa nzambi. Voyez, unaona, mais le péché, lakini nzambi, ne va pas se manifester, haitaonekanaka. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Satan, juu shetani, et des démons sont en prison, beko mkifungwa na mademona yake. Voyez, unaona, il y aura du péché, nzambi takui hako, mais caché dans ces nations inconverties, me yenye kufichama mubale ba mataifa bashipo geuka, qui ont seulement appuyé bale ba Israel, bari saidiaka tu Israel dans la guerre d'Armageddon, mvita Armageddon, et Dieu aussi va les récompenser, na Mungu atawalipaka. Ce sont ces mêmes nations inconverties, ni pala mataifa moya moya shipo geuka, qui à la fin de mille ans, bale kumwisho ya mwaka elfu moja, Satan sera relâché, Satan atafunguliwa tena, et il ira vers ces nations pour les séduire, atenda tena ubali wa mataifa kwa kuwatongoza, d'attaquer la ville, juu sasa ya kukombanisha muji. Vous voyez, unaona, parce que Satan ne peut plus utiliser, juu Shetani siwezi kutumikisha, comme les 144,000 bantu sasa wanakata au bibi wa harusi. Hapana, il faut qu'il y ait une faiblesse quelque part, unapasha kuwe buzaifu fashi fulani, par où Satan va entrer, kule ambao Shetani anaweza kuingilia, pour faire la quatrième guerre que nous appelons la guerre de Gog et Magog, qui est la dernière vita, guerre. Vita ya ine yenye kuitwa Gog et Magog yenye kuwa ya mwisho. C'est vrai, frère. Ni kweli ndoko. C'est pourquoi nous aujourd'hui, avec le message que nous croyons, ndio kwa maana sie leo na hii mjumbe tunaamini, avec tous les élus, na bate ule bote, de cet état de l'église, ya kanisa, nous luttons tuko na kombana, pour aller habiter njia ya kwenda kuikala dala Jerusalem celeste mu Yerusalema ili ya kutokea kumbingu la Jerusalem terrestre Jerusalem ya padunia l'habitation d'Israël ni makao ya batu ya Israel. C'est vrai frère ni ya kweli nduku. C'est vrai ma sœur ni ya kweli dada yangu. Dans le millénium mule mumiaka elfu moja vous remarquerez mutaona amo qu'il y a encore la notion du temps mukingariki mule tena mambo iko nasemea wakati. On compte les jours beko nesabia mashiku le mois miezi et les années na miaka. Dans le millénium, les enfants y naîtront. Dans le millénium, les maisons y seront construites. Dans le millénium, la vie continuera parmi les habitants de la terre. Sur la terre, il y aura encore d'autres nations qui habiteront ensemble pamoja avec Israël na Israël mais qui sera lakini benye batakuya Jérusalem comme sa demeure Jérusalem sa makao yabo avec la montagne de Sion na pale pamulima wa Sioni. C'est vrai frère ni kweli nduku. Dans Esaïe 65 mo Isaya makumi sita na tano a partir du verset 20 jusqu'à 25 nous lisons Isaya makumi mbili na tano tuanzie mstari wa tano. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leurs jours akutakuya au mtoto au mzee ashipo kutimiza mashiku yake. Les enfants batoto il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour akotakuya akue mtoto au akue mzee ule atashinda kuenesha mashiku yake. Ces enfants dont on parle batoto aba banasemea hapa viennent des nations pas de l'épouse banatokea kubate mataifa hapana kwa bibi wa harusi. C'est vrai ni kweli. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune juu ule atakufaka na miaka 100 atakuwa kingari mtoto. Et le péché âgé de 100 ans sera maudit na mzee mtenda nzambi wa miaka atakuwa mwenye kulaaniwa. On y parle encore de la mort mu milenium banasemea tena amo lufu. On y parle encore de péché banasema tena mjuu ya nzambi. On y parle encore de la malédiction banasema tena juu ya laana. Ils bâtiront des maisons et les habiteront batayengaka manyumba na batekalaka amo. Ce n'est pas l'épouse qui bâtira des maisons. Non. Aina viwarusa tayengaka manyumba pana. Ce sont les nations. Ni mama taifa. Qui habitent sur la terre. Venez kuikala padunia. Qui bâtiront des maisons pour y habiter. Bala tayengaka manyumba jua kuikari amo. Parce que nous en tant qu'épouse. Nous sommes tuko dans notre demeure la Jérusalem céleste. Tuko makao yetu Yerusalema ya kutokea kumbingu. Ils planteront des vignes. Bata limaka mamizabibu. Et en mangeront les fruits. Na kula matunda yayo. Et nous n'allons pas planter des vignes. Lakini si hatuwezi kuotesha tena, tutakuwa kule ku Yerusalemu mupi. Ils ne bâtiront pas de maison pour que quelqu'un autre les habite. Abata yenga manyumba juu ya kusema mtu mwingine akuye ikale emu. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre mange les fruits. Abata oteshaka mizabibu juu mtu mwingine apate kuya kula matunda yayo. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Juu mashiko ya taifa yangu itakuwa sawa vile mashiko ya michi. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Naam, ateule bangu atafurahikiaka kaja mkono yao. Ils ne travailleront pas en vain. Abata tumikaka kwa bule. Et nah. Ils n'auront pas des enfants pour les voir mourir. Abata kwa na batoto jua kwanza kubaona bakufu. Abata sala batoto, jua kubaona bakufu. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de le parler, j'exaucerai. Les loups et l'agneau mettront ensemble. Les lions comme les bœufs mangeront la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Oh serpent malheureux. Oh nyoka waole. À cause de ce qu'il a fait sur la race humaine. Dieu a qu'il a refanchié à battre à Padunia. Lui continuera à ramper à manger la poussière. Il a tendelé à faire comme que la mavumbi n'a qu'été embêté à Chine. Vous voyez bien mes frères. On en a pas peine d'andouko. Il y aura maintenant la paix. D'accord, salama. C'est ce que nous devons comprendre correctement. Dieu il est toujours pas ta coelé ou amuzuri. Aussi longtemps. Yote, que Christ n'est pas venu pour établir le millénium et régner dans le millénium. Mwakati yote Christ yeye baloku ya juu ya kuanzisha millénium na kutawala mule millénium. Personne ne peut amener la paix sur la terre. Hakuna mtu hata mmoja yule ataletaka salama pa dunia. Avant le règne du millénium, mbele utawala ya maka elfu moja, aucun homme, hakuna mtu hata mmoja, aucun gouvernement, hakuna serikali moja, hakuna kikundi cha bantu, ne peuvent jamais bale bataweza kamwe amener la paix sur la terre, kuleta salama pa dunia. Le conseil ecumenique, muungano ya makanisa yote, ne peut jamais amener la paix sur la terre, haiweze kamwe kuleta salama. Oni, ne peut jamais amener la paix sur la terre. Aïta, salama, pas la guerre ici chez nous au Congo continue. Mfita, c'est la présence de l'ONU. Ni muepo ya ba ONU. C'est eux qui alimentent cette guerre. Ni bonjo beko na la mushiche le mamvita. La paix reviendra sur cette terre. C'est lorsque le prince de la paix régnera. Mais avant cela, lakini mbele ya ile, n'espérez pas la paix. Hapana kutumaini. N'espérez pas la paix. Hapana kutumainia salama pa dunia. C'est pourquoi vous voyez ici au millénium. Ndoka mana mnaona huko mwaka 1000. La vie continue. Maisha iko paka naendelea. Mais il y a l'épouse, lakini kuko bibi wa harusi, qui est la femme de l'agneau, mwenye kwa bibi ya mwana kondoo, qui habite la Jérusalem céleste, mwenye kukaa mu Yerusalemu ya kutokea kumbingu, sur la terre, pa dunia, il y a Israël, kuko Israël, qui habite la Jérusalem terrestre, mwenye kukaa mu Yerusalemu ya pa dunia, sur la terre, pa dunia, il y aura les vierges folles, kutakuwa bikira wa pumbafu, qui sont ressuscités après la guerre d'Armageddon, et il y aura ces nations païennes qui ont appuyé Israël dans la guerre d'Armageddon. Israël mouvita Armageddon. Esaïe 11. Isaïa kumina moya. Dans son verset 6 à 10. Musaria sita na yakumi. Le loup habitera avec l'agneau. Mwana kondo atekalaka pamoja na. Et la panthère se couchera avec les chevaux. Panthère na atekalaka na bambou. Les veaux, les lionceaux et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Mtoto wa ngombe na mtoto wa simba na banyama bote beko na lisha mafuta batakala pamoja. Et un petit enfant les conduira. Na katoto kaloko katanda baongoza. Il n'y aura pas de la méchanceté. Akuta kwa ukaidi. Kama unaona banko kumbiri bila kombana, ni mapepo mchafu. Kama tu unaona banko kumbiri bila kupikana, bajogoba wili bila kupikana. Shetani aliyeingia mademoine baingi. Kama unaona ba frère na ba sœur, banaenda kuchambulana, bila na pongombo, bila kombana, bila na mademo. Il désordre yote mu corona mu dunia. Matushi, bukomvi, kuwana, kuchambwe nani, kupikana, kuwana, ni matendo ya mademo mubantu. Me dale milanyom. Mwaka elfu moja. Satan. Shetani. Et tous les démons. Na mademo na yote. Seront enfermés dans la prison, dans la ville. Batafungiwa mkifungo. Ils n'auront pas l'occasion de venir sur la terre. Batafungiwa pa dunia. Je vais tena bantu. Frère, nduku, ma soeur, tada yangu. En réalité, mukweli, tout homme est bon. Mutu wote ni mzuri. Même sans l'esprit de Dieu. Hata bila roho ya Mungu. Il est bon. Ni mutu mzuri. Mnaona wapenda nduku. Ndio kwa maana mwasili. Unaweza pata mtu ashinde kanisa. Lakini mtu sio mpole. Mtu anapenda bantu, mtu mzuri. Ndio watu wanaelekea mara. Kama wokovu. Aisimamie tu kwa upole. Wokovu. Ni kiumbe cha kimungu ndani yenu. Unapasha kubadilika. Unaona wapenda nduku. Unapasha kuzalika mara ya pili. Unaona wapenda nduku. Wakati Satan ne sera plus, les démons ne seront plus, ma démon est à Kouya. Ils sont liés, ils sont en prison. La terre connaîtra une période de 1000 ans de paix. Il tapata miaka elfu moja ya salama. Kama imbwa kuna luma bantu ni ma démon. Kama simba kuna kula banyama bengine ni ma démon. Quand l'homme est tombé, les démons se sont répandus. Ma démon est désambalala. Et dans les hommes, na mubatu, et tout être vivant. Na mkiumbe kiote kenye kuwa hai. Utawezi kukuta ta bilulu tu bilulu. Mpori viko nafikani. Ni nini ile? Ni ma démon. Jo viko nafikisha ba bilulu kukomana. Unakuta nkuku na nkuku. Jogo na jogo viko nafikana. Ni ma démon. Mais de la grâce, le Satan et les démons seront liés. Et mis en prison. Les hommes seront libres. Les pensées normales humaines. La volonté leur viendra dans leur cœur. Mais ils ne sont pas sauvés. Mais ce sont des instruments vides. Duni, qui n'ont pas Dieu. Na Mungu, qui n'ont pas Satan. Na Shetani, mais des créatures de Dieu. Lakini biumbe tu bia Mungu. Vous voyez bien mes frères. Munona wapendwa nduku. Même un enfant. Ata mutoto. Va conduire un lion. Ataongoza simba. Il peut conduire un léopard. Ataongoza chui. Et cette bête ne lui fera pas du mal. Na ule nyama sitamfashia kibaya. L'église est avec moi. Kanisa iko nanifuata. Ces enfants dont on parle ici. Batoto wanasemea hapa. Ce sont les enfants qui viennent des nations. Ni batoto wa kutoka kwa mataifa. Pas de l'épouse. Hapana kwa bibi wa harusi. Non bien mes frères. Hapana wapendwa nduku. Vous voyez, mnaona. La vache et l'ours. Je suis au verset 7. Niko mstari wa 7. Pa 11. La vache et l'ours. Ngombe na duku. Auront un même pâturage. Batakuwa na malisho moya. Le petit. Batoto yabo. Un même gîte. Na pashi moya kuikaria. Et le lion. Comme le bœuf. Na ngombe. Mangera de la paille. Batakuria mayani. Le nourrisson. Batoto kiloko. Se battra sur l'antre de la vipère. Batakombana pafasha kuingia ya nyoka munene. Et l'enfant c'est vrai. Na mtoto akunyonya. Mettra sa main dans la caverne du basilic. Ataweka mkono yake munjimu. Na mtoto ule ambao anatosha kumajiba. Ataweka mkono munjimu yake, munjimu ya nyoka. Vous voyez. Munaona. Comme les fonds de la mer par les eaux qui le couvrent. Sawa kumwisho ya bahari. Ok, verset 9. Il ne se fera il ne te fera ni tort ni dommage. Abata fanchiana au kitu atakimwa kibaya. Sur toute ma montagne sainte. Mulima wangu wote takatifu. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Itajaziwaka na ufahamu ya wa milele. Comme le fond de la mer. Sawa mwisho wa bahari. Qui le couvre. Kupitia maji yenye kuifunika. Et en ce jour, na mwile shiku, les rejetons d'Israël sera là comme une bannière pour le peuple. Batoto ya Isaïe batakuwa sa bendera juu ya taifa. Les nations retourneront vers lui. Tamgeukiaka. Sera sa demeure. Na utukufu itakuwa makao yabo. Les nations seront là. Mataifa itakuwa pale. Pour donner gloire. Juu ya kuleta utukufu. C'est vrai, frère. Il y a quoi l'indoku? Et toute la terre. Na ulimwengu mzima. Sera rempli de la connaissance de l'Éternel. Tajaziwaka na ufahamu ya wa milele. C'est un royaume de paix. Takwa ufalme ya salama. Il n'y a pas de guerre. Hakutakuwa mavita. Lorsque vous voyez dans l'église. Wakati mnaona mkanisa. Des frères. Bandugu mbili. Se quereller. Banakokotana. C'est Satan qui est en train. Ni shetani anaingia. Lorsque vous voyez. Wakati mnaona. Des frères. Bandugu mbili. Se bagarrer. Banakombana. Satan. Ni shetani. Lorsque vous voyez. Wakati mnaona. Un frère. Nduku. Il s'essaie. Na dada mola mkota. Ce sont des démons. Quand vous voyez une église divisée, ce sont des démons. Ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Quand Christ régnera, il y aura la paix. Il n'y aura plus de guerre. Satan ne sera plus. Parce qu'à cette époque-là, il sera en prison. Atakuwa mgereza mkifungo. Oui bien aimé frère. Ndio mpendwa ndugu. Oui bien aimé sœur. Ndio mpendwa dada. Ésaïe 66. Isaïe 66. Verset 23 à 24. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, vous voyez dans le millénium, il y a encore de nouvelles lunes et des sabbats. Munaona mule miaka 1000 kuku kikingaliki nouvelle na sabbat. Toute chair viendra m'adorer. Dit l'Éternel. Kila mtu atakuja kuniabudu hivi wa milele anasema. Et quand on sortira, na wakati bata, on verra des cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Na wakati batatoka bataonaka mili ya bantu bale batombokea. Car le ver ne mourra point et le feu ne s'éteindra point. Leur ver misanda yabo haitakufaka. Et leur feu. Na moto yabo haitashimamaka. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Na itakuya kumili yote kitu kia mabazuku. Unaona? Ici ce sont les nations. Hapa ni watu wa mataifa. Qui ne sont pas sauvés. Bashipo kuokolewa. Qui n'ont pas la vie éternelle. Bashipo na kuishi kwa milele. Mais qui vivent. Lakini benye kuishi. Dans le millénium. Miaka 1000. Le millénium. Miaka 1000. N'est pas. Aina. Un endroit parfait. Fashi kamilifu. Non bien mes frères. Hapana mpendwa nduku. Non bien mes sœurs. Hapana mpendwa dada. C'est ce que Jésus-Christ Jésus-Christ parle dans Marc 9 et qu'on a fait mon Marco sur la au verset 48. Il parle de cette écriture que nous venons de lire. Et qu'on a semé à Dieu et Dieu qu'on a tout à mon. C'est Jésus qui en parle. Ni est ce qu'on a fait dans Marc au chapitre 9 sur la Kenda. Dans son verset 48. Mustari ya makumi ine na munane. Qu'est-ce que Jésus-Christ disait? Ni nini Jésus-Christ on a semaka? Où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Kule ambao misanda yabo haikufwe na moto aishimame. Jésus utilise ce verset. Il fait allusion à Ésaïe 66, le verset 24 que nous venons de lire. Mais la nouvelle Jérusalem, la kini Jérusalem amupia, est décrit, iko yenye kwa kuwekwa ndipo. Il est décrit, elle est décrite, inaandikwa. La nouvelle Jérusalem est décrite, Jérusalem amupia iko. Panionesha dans Apocalypse 21. Jérusalem amupia inaoneshewa mu Apocalypse Ufunuo 21. Dans le verset 2, mstari yake ya pili. Et le verset 4. Na mstari ya 4. Dans le verset 9, mstari ya 9. Et le verset 14. Na ya 10 na 4. C'est là où la nouvelle Jérusalem est décrite. Ndio mule banaonesha Yerusalema mupya. J'ai vu descendre du ciel. Niliona kushuka toka mbinguni. Upande wa Mungu. La ville sainte. Mji takatifu. La nouvelle Jérusalem. Yerusalemu mpya. Préparée comme une épouse. Yenye kutayarishwa sawa na mume. Préparée pour son époux. Ulijipamba juu ya bwana harusi. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait. Nilisikia toka mbinguni sauti mkubwa inasema. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Tazama maskani ya Mungu pamoja na bantu. Ils habiteront avec, il habitera avec eux. Atakala pamoja nao. Et ils seront son peuple. Na batakuwa taifa yake. Et Dieu lui-même sera avec eux. Na Mungu yeye mwenyewe atakuwa pamoja nao. Ça c'est l'épouse. Hii ni bibi wa harusi. Voyez bien mes frères. Unaona wapendwa nduku. Voyez bien mes sœurs. Unaona wapendwa dada. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Atapanguzaka machozi yote ya kumachana. Et la mort ne sera plus. Na lufa luta kuyaka ako. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Akota kwa kilio, malalamiko au maumivu. Ça, kitu kya kwanza kinapotea. Dans la nouvelle Jérusalem. Hii ni Yerusalem qui descend du ciel. Yenye kushuka kumbingu. Qui est l'habitation. Yenye de l'épouse. Yenye kwa makao ya bibi harusi wa mataifa. Là, il n'y aura plus de larmes. Kule hakutakuwa machozi. C'est pourquoi aujourd'hui. Ndio kwa maana leo. Nous exhortons tout frère. Tuko na subutisha kila nduku. Nous exhortons toute sœur. Tuko na onya kila dada. À persévérer dans la foi. Apate kudumu katika imani. Jusqu'à l'enlèvement. Kufika pa mkunyakuliwa. Il habitera. Ataikalaka. La nouvelle Jérusalem. Yerusalem mupya. Même si aujourd'hui. Hata kama leo. Vous dormez affamé. Unalala na njaa. Même si aujourd'hui. Hata kama leo. Vous avez des douleurs. Uko na maumivu. Même si aujourd'hui. Hata kama leo. Vous avez des difficultés. Uko na magumu. Souvenez-vous Kumbuka, que la consolation paraja, arrive. Ikonakuya. C'est vrai. Nkweli. Dieu Mungu essuiera nos larmes. Machozi yetu. C'est vrai, frère. Si vous n'avez pas de difficultés sur la terre, alors vous ne serez pas consolé. La consolation, paraja, c'est pour ceux qui souffrent. La Bible dit, c'est lui qui souffre a besoin d'une consolation. Mais si toi aujourd'hui, tu te réjouis dans le péché, comment seras-tu consolé? Farijuaka. C'est vrai. Ni kweli. Les choses bintu qui nous agacent aujourd'hui disparaîtront. Biote biko na tutesa leo bitapita poteaka. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Dans le verset 9. Mo mustari akenda. Puis un de cet ange, kisha moya wa bale malaika saba, qui tenait les sept coupes remplies de ces derniers fléaux, ula rikuya na bikombe saba venye kuyala mapigo ya mwisho, et il m'adressait la parole en disant, viens, na akasumuya na mimi mkuniambia kuya, afin d'avoir puni la terre, kisha kwa kisha dunia kuya, je te montrerai l'épouse, bibi wa harusi, la femme, bibi, de l'agneau, ya mwana kondo. C'est vrai. Ni kweli. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Alininyangula mukiro ko mulima murefu. Et il montra la ville sainte. Na kanyonesha mji takatifu. Jérusalem. Yerusalema. Qui descendait du ciel auprès de Dieu. Et là la gloire de Dieu. Kutoka kwa Mungu yenye kwa na utukufu ya Mungu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Kwa ngala kwake kulifanana na maibwe ya bei zaidi. D'une pierre de jaspe. Ya maibwe ya jaspe. Transparente comme du cristal. Yenye kwa transparence ya cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Ilikuwa na bibumbashi birefu zaidi. Elle avait 12 portes. Ilikuwa na milango 12. Et aux 12 portes aux 12 portes. Na milango 12. Ange. Et aux portes 12 anges. Kulikuwa ba malaika 12. Et de nous écrit ceux de 12 tribus des enfants d'Israël. Na manjina yenye kuandikwa ile ya makabila 12 ya watu wa Israeli. Trois portes. Koria ma. Au nord, trois portes. Ma milango tatu. Au midi, trois portes. Kusini mangu. Et à l'occident, trois portes. Na kumangaribi milango tatu. La muraille de la ville. Mbashi ya ile mji. Avec 12 fondements. Ilikuwa na misingi 12. Et sur les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Ya ba mitume 12 ya mwana kondo. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or. Alikuwa na kipimo lite teri ya zahabu. Afin de mesurer la ville. Juu ya kupima mji. Et milango na bibumbashi yake. La ville avait la forme d'un carré. Mji ilikuwa na hali ya kare. Et sa longueur était égal à sa largeur. De pyramide. Bulefu yake ilikuwa bulefu moya moya. La ville était en forme de pyramide. Ilikuwa sa pyramide. Il mesura la ville avec le roseau. Alipima mji na ile ritete. Et trouva 12,000 stades, 2,200 km carrés. Na akapata 12,000 stades. De longueur. Bulefu. La largeur. Upana, la hauteur, bulefu, en était égal. Wote bilikuwa pamoja. Voyez. Unaona. La nouvelle Jérusalem. Jerusalem mpya. Qui descend de Dieu. Yenye ushuka toka Mungu. La ville dans laquelle. Mji mule ambayo. La femme de l'agneau habitera. Bibi harusi, bibi wa mwanaume atakana. En forme d'une pyramide. Itakuwa inafanana na pyramide. C'est vrai. Ni kweli. La miraille. Il mesura la muraille. Alipima kibumbashi. Et trouva. Na akapata 144 coudées. À peu près 70 mètres kilomètres. 144 coudées. Des mesures d'homme. Qui était celle de l'ange. Bipimo ya bantu yenye ilikuwa sawa ya malaika. La muraille était construite en jaspe. Kibumbashi barikijenga na ile maji ya jaspe. Na mji ilikuwa ya dhahabu safi. Adiver pu. Inafatana na kioo safi. Fondement de la muraille de la ville. Misingi ya Kibumbashi na ile maji. Orné de pierres précieuses. Ilikuwa ni kupamba na mawe ya bei ya kuachana chana. Le premier fondement était de jaspe. Misingi ya kwanza ilikuwa ya jaspe. Le deuxième de saphir. Ya pili ilikuwa ya saphir. Le troisième de cal c'est bun. Ya kasedwan. Et le quatrième, l'émeraude, le cinquième, le sardonyx, le sixième, le sardoine, le septième, le chrysolite, le huitième, le béryl, le neuvième, le topaz, le dixième, le chrysophase, le onzième, le diacinthe, le douzième, le métitix, d'améthyste. Et les 12 portes étaient 12 perles. Na, ile milango minambiri ilikuwa na était d'une seule perle. Na kila mulango ilikuwa na la place de la ville, c'est-à-dire le parc de la ville. La place de la ville. Parc ya ville. Était d'or pur. Ilikuwa zahabu safi. Comme du verre transparent. Sawa vere ilikuwa safi. Je ne vis point de temple dans la ville. Sikuona mahekalu mumuji. Car le Seigneur Dieu Bwana, et son temple. Bwana Mungu mwenyezi njoo ikali. Et l'agneau. Pamoja na mwana kondoo. La ville. Muji. N'a besoin ni de soleil, ahitaji ni hata jua au mwezi pour l'éclairer, pour kuangazia la gloire du Dieu, utukufu wa Mungu iko na yangazia na mwana kondoo na bendera yake. Les nations ba mataifa marcheront à sa lumière, tatembea kama ile nuru. Les nations mataifa, ceux qui ont été graciés, bale walipataka neema pour avoir soutenu Israël dans la guerre d'Armageddon, ya kusaidia Israel mwanzita à sa lumière, tatembea kama ile nuru. Les rois de la terre, ba falme wa dunia, porteront leur gloire, ba taon peleka kwa utukufu wao. Les portes ne se fermeront point, milango itafungika mchana, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Na maheshima ya mataifa. C'est vrai, frère. Ni kweli. C'est vrai, ma soeur. Ni kweli, dada. Ça, vous voyez comment hapa mnaona namna cette ville est peinte ici. Iko yenye kupambwa hapa. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, njoo kama leo nduku, vous n'allez pas combattre pour ces routes d'aujourd'hui. Hauwezi kupambana juu hivi leo, mabalabala leo. Nduku. Chez nous. Kwetu. Izabu bantu wako nafuia. Ni mampala ya mabalabala. Diamant, ma chrysolite, tout ce qui est précieux. Ni maibu yote ya bei. Juma mwelo ya mafondement ya manyumba kwetu. Voyez bien, mes frères. On en a la peine d'un doux. Il vient du haut de Satan et pour la fouille, où est tu as dit la navire, ni vivant pas là dans la moellon. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, que personne ne se pose la question de savoir, je me vêtirai. Ce sont les païens qui viennent ces choses. Pourquoi? Pourquoi? Mara uriti umuji yetu. Notre combat bukomvi n'est pas un combat aina bukomvi pour les choses matérielles. Ya bitu bya mwili. Atuingie mkanisa, atuamini juu Mungu atubariki mubintu ya kimwili, hapana. Tunaamini juu Mungu etokole et tu patie Roho Mtakatifu yen tukaende tukaridhi hivi vitu tuko nasikia. C'est vrai, frère. Ni bia kweli ndugu. Bana kupatia ka un kara diamant, mtu anavunya na wina. Mais kwetu ni abina na kaji. Parce que moi tu tutatembele yamo. Nous n'aurons pas de souliers. Tu vas voir la bilato. Ni juu ya Nzambi. Mais là nous n'aurons pas de souliers. Kula tutakuwa na bilato. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Quelle belle ville. Moji kani mzuri ile. Moi je conseille à chaque frère. Na shauria kila nduku. À chaque sœur. Na kila dada. Faites tout ce qui a votre pouvoir. Fanya yote ni kwa Mungu. Pour aller habiter. Wende kaikale. Dans cette cité céleste. Moye moji ya kumbingu. Nduku. J'étais dans la Jérusalem terrestre. Ma balabala ya kutotoka. Kuko ma balabala ingine ya kutotoka. Muko buchafu. Mu Jérusalem terrestre. Muko ma nyumba ingine ya kuchuyuka. Mais chez nous. Kule kwetu. Chez nous. Kule kwetu. Dans notre ville, mwile muji yetu. Tout est en or. Yote ni zahabu. Tout est en diamant. Yote biko mukama. Maigo ya bei. Et là dans notre ville, mwile muji yetu. Nous n'avons pas de temple. Hatuna na maikalo. Pourquoi? Kia nini? L'agneau. Mwana kondo. Et même notre temple. Ye mwenyewe ndio ikalo yetu. Il n'y a pas de soleil. Hakuna jua. Là nous n'allons pas dans la cité là. Mwile muji. Si la terre on compte les jours et le mois. Mudunia tu kunesabia. Lakini mwile muji ya nouvelle. Mwile tukanda kuhesabia mashiku na miezi. Nous nous vivons déjà l'éternité. Tukanda kuishi milele. Quelle belle cité. Muji kani mzuri ile. C'est vrai. Ni kweli. Là où habitera l'épouse. Kule kutekala vivi harusi. C'est pourquoi. Ndio kwa maana. Paul parlant de cette cité. Paulo mkusemea juu ya ile muji. Nous ne sommes pas dans l'évangile. Atuna katikati ya injili. Bon, s'arrête. Parle plus mama. Dans Hébreu chapitre 12. Mon Hébrania sura 12. Dans le verset 22. Mustari yake ya makumi mbili na mbili. Ah, verset 23. Na makumi la tatu. Mais, lakini, vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Lakini mulikaribia kumulima takatifu, kumuji ya Mungu aliye hai, Yerusalema ya kumbingu, mule ba mingi banatunga kikundi kya bamalaika bake. De l'assemblée de premier-né inscrit dans les cieux. Ya makutano ya bazaliwa ba kwanza benye kuandikwa Mungu. Des juges qui est le Dieu de tous. Ya mwamzi mwenye kuwa Mungu wa pote. Des esprits des justes. Ya maroho ya parvenu à la perfection. Yenye kufika kukamilifu. Frère. Nduku. Nous habiterons. Tutekalaka. La Jérusalem. Mwiyerusalema. Céleste. Ya kumbingu. C'est vrai. Nikweli. Cette cité. Il est mouji. Dont Abraham. Moule Abraham. A tout abandonné. Allez, à chaque abioté. Pour la voir. Joa ipate. Il cherchait une cité. Randa utafuta mouji mon. Dont le constructeur. Moule mujengaji. Et Dieu lui-même. Ni Mungu yepeke. Voilà cette cité que nous cherchons. Tazama ile mji ambao tuko natafuta. Dans Hébreux au chapitre 11. Mu Hebrewia 11. C'est vrai. Ni kweli. C'est vrai. Ndio kweli. Commençons verset 8 à 10. Tuanzie mstari wa 8 na 10. C'est pas la foi qu'Abraham. Ni kupitia imani Ibrahim. Donc sa vocation. Wakati ya mwito yake. Obéi est parti. Pour un lien qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Bila kujua kule c'est pas la foi. Il veut s'établir dans la terre promise. Comme dans une terre étrangère. Habitant sous les tentes. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse. Pourquoi? Car il attendait la cité. Muji. Il y a des fondements solides. Je n'ai pas la Dieu. Ambao Mungu. Et l'architecte. Njoo mutungaji. Et le constructeur. Tena na njoo mujengaji. Nduku. Voilà la cité. Kama muji. Que nous sommes en train de chercher. Il est tuko na tafuta. Voilà la cité pour laquelle. Tazama muji ambayo. Nous avons tout abandonné. Liacha byote. Nous abandonné notre vie au Seigneur. Tuwa maisha yetu kwa Bwana. Pour aller habiter là-bas. Je kwenda kuikala mule. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai ma soeur. Ni kweli dada. Une cité. Muji. Dont le fondement. Mule misingi yayo. Ne peut être ébranlé. Aiweze kutenka. Toute la ville. Miji yote. Se branle. Inatenkaka. Frère. Nduku. C'est pourquoi Jérusalem. Ndoko mane Jérusalem. Terrestre a été détruite plusieurs fois. Ya padonia bari pomola mamara ya mingi, maturu mingi. Mais notre ville ne sera jamais détruite. Lakini mji yetu haitapomoka kamwe. Non bien-aimés frères. Hapana wapendwa ndugu. Dans Galates au chapitre 4. Mu Galate sura yake ya 4. Dans son verset 26. Mustari ya 26. Écoutez. Musikie. Karaga, verset 24. Karaga, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Galates 4. Galates chapitre 4, verset 24. Je commence au verset 25. 25. Car Agar, c'est le mot Issa, c'est le mot Sinaï. Ni mulima wa Sinaï. En Arabie. Kiarabu. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Yenye kuya sawa Yerusalem hii sasa yenye kuya na baba. Lakini la Jerusalem dao. Yerusalem kutokea kwa mbingu. Est libre. Iko huru. C'est notre mère. Ni mama wetu. La Jerusalem dao. Salema kutokea kumbingu. Est libre. Iko huru. C'est notre mère. Ndio mama yetu. Car il est écrit. Dieu imeandikwa. Réjouis-toi stérile. Furahi na wewe tasa. Toi qui n'enfante point. Wewe ule uzale. Éclate et pousse des cris. Furahi na ulalamike. Toi qui n'as pas éprouvé de douleur d'enfantement. Wewe ukushikia uchungu wa kuzala. Car les enfants de la délaissée. Ndio batoto wa kuachiliwa. Seront plus nombreux. Atakuwa mingi. Que les enfants de celles qui étaient mariées. Kupita batoto wa bale waliingia kundoa. Mais. Lakini. Notre mère. Mama yetu. C'est la Jérusalem. Ni Yerusalema. Céleste. Ya kutokea kumbingu. C'est pourquoi je vous disais dans les jours passés. Doan damia mashiku ilipita. Nous n'avons pas à entrer dans le conseil mondial des églises. Atukingia mu ulimwengu ya makanisa. Pour combattre pour la Jérusalem terrestre. Dieu te combattit Jérusalem à la patrie. Les païens. Les pagano. N'ont pas de part. Abana na se. Dans la Jérusalem terrestre. Mou Jérusalem à la patrie. C'est l'héritage d'Israël. Dieu ne hérite à Israël. Nous les nations. Et bah mataifa. Notre promesse. Malako yetu. C'est aller. Mkwenda. Dans la Jérusalem céleste. Jérusalem à la kumbingu. C'est vrai frère. Bia kweri nduku. C'est vrai ma sœur. Ni bia kweri dada yangu. Dans Apocalypse 21. Mu ufunuo makumi mbili na moja. Vous voyez comment elle a été décrite ici, nous l'avons lu. Munaona namna bari pamba hapa tulisoma. Une jolie cité. Muji mwa mzuri. Qui n'a même pas de temple. Mula muna tai kalu. Dieu lui-même Mungu est son temple. Kalu yayo. Ainsi que l'agneau. Na mwana kondo. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai ma soeur. Ni kweli dada yangu. Mais la Jérusalem terrestre. Lakini Yerusalemu pa dunia. Ça c'est une habitation. Ile ni makao. Israël. Ya batote Israël. Dans Esaïe 25. Mu Isaïe makumi mbili na tano. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Ndio wapendwa nduku na dada. Esaïe 25. Isaïe makumi mbili na tano. Et sur ce verset 7. Et sur cette montagne. Na paile mulima. Il anéantira le voile qui est sur tout le peuple. Ata toshaka pazia yenye kuya kutaifa yote. La couverture kifuniko qui couvre toutes les nations. Kenye kufunika mataifa yote. Ça c'est la Jérusalem terrestre. Hii ni Yerusalema ya pa dunia. Il engloutit la mort pour toujours. Ata maliza lufu yote. L'éternel essuie les larmes de tous les visages. Wa milele Bwana atapanguza machozi. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Atatoshaka dunia yote aya ya taifa yake. Car l'Éternel a parlé. Juu wa milele alisema. Sur la terre aussi. Pa dunia tena. Dans la Jérusalem terrestre. Pa Yerusalemu terrestre. Il va consoler. Atafariji. Les Juifs, donc Israël. Ba Yuda. Les enfants d'Abraham. Batoto ya Ibrahim. Les nations aussi viendront batakuya pour aussi voir Duna. Et contempler la Jérusalem terrestre. Bapate kuona Yerusalem ya pa dunia hii. Et à ce moment-là, na mwile wakati ile, les nations de toute la terre, mataifa ya pa dunia yote, ils viennent visiter Jérusalem terrestre. Wakati wanakuwa kuangalia Yerusalem terrestre. Les regardent en haut comme ça. Kuangalia yule. Ils voient la Jérusalem céleste. Banaona Yerusalem ya kumbingu. Il fait poser la question. Ça va nous vous êtes ici, mais c'est quelle ville ça? Sasa mwe, hii ni mji gani ni kwa yule? C'est là où reste. Ni kule kuna ikala. La femme. Bibi. De l'agneau. Ya mwana kondo. C'est là Nikule, où l'agneau le mwana kondo, et sa femme habitent. Et Dieu aura deux trônes. Un trône dans la Jérusalem céleste. Mungu atawa na maezi mbili, moya. Un autre trône dans la Jérusalem terrestre. Ingine ezi pa Yerusalemu hapa chini. Il reste avec son épouse. Anaikala na bibi yake harusi. Et après certain temps. Na wakati mwingine. Il descend aussi sur la terre. Anashuka na pa dunia. Pour consoler. Ya kufariji. ses amis, barafiki yake, les enfants d'Abraham, batoto ya Ibrahim, anko d'Abraham, Dieu à Ibrahim. C'est vrai frère, ni kweli nduku. C'est vrai ma sœur, ni kweli dada yangu. Et les nations seront là, na mataifa itakuwa pale. Dans Esaïe, mon Isaïe 4 verset 5. Isaïe sura yake ine mstari. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une fumée, une nuée fumante. Wa milele ataweka pendant les jours. Fashi yote ya mlima wa Sion. Et un feu de flammes éclatante pendant la nuit. Wa milele atawekaka fashi yote ya mlima wa Sioni na fashi yote ya makutano, shimoko mingi na moto yenye kuwaka mchana. Yenye kuwaka bushiku. Sur la terre. Ni pa dunia. Avec Israël. Pamoja na Israël. Mais pendant que l'épouse, pendant que l'épouse, wakati bibi harusi, est là, eko pale, dans la ville, Mumuji, à Jérusalem céleste, Jérusalem ya kumbingu, dans Apocalypse au chapitre 7, Mufunuo sura yake ya 7, dans son verset 15, mstari ya 15, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Ni juu ya ile beko kumbele ya Yesu. Jour et nuit dans son temple. Kumtumikia bushiku na mchana mwekalo yake. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Mwenye kuikala pa ezi ataengaka ezi. Ils n'auront plus soif. Abatakuwa na kiu. Ils n'auront plus faim. Abatakuwa na njaa. Ils n'auront plus soif. Abatakuwa na kiu. Le soleil. Jua. Ni aucune chaleur. Aitaba pikaka au ne les frapperont plus. Akitaba pikaka. Vous voyez. Unaona. C'est Dieu. Ni Mungu. Qui dressera maintenant sa tente. Ula taengaka ema yake. Sur la Jérusalem terrestre. Pa Yerusalema ya pa dunia. Afin qu'il ne soit pas frappé. Juu bashipikwe. Vous voyez bien mes frères. Unaona bapendwa nduku. Dans la Jérusalem terrestre. Yerusalema ya kumbingu. Le porte ne se fermeront pas. Milango itafungikwa kabla siku na mchana. Regardez ici dans la Jérusalem terrestre. Tutaangalia Yerusalem hapa dunia. Il y a encore la notion de jour et de nuit. Hapa kukingariki mambo ya usiku na mchana. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. Et Dieu le protégera. Na Mungu atabakingaka. Cette ville. Et Muji. Que Dieu a donné en héritage à Israël. Il est Mungu aletaka sauriti ku Israël. Elle sera couverte de la nuée de Dieu. Itafunikwa kana wingu ya Mungu. Et tout Israël se trouvera devant le trône de Dieu. Na yote itakuwa mbele ya ezi ya Mungu. Et Dieu aussi. Na Mungu naye. Va consoler. Atafariji. Les enfants d'Abraham. Batoto ya Ibrahim. Par rapport à toutes les nations qui viendront adorer à Jérusalem. Kuliko mataifa yote itakuwa kuabudu ku Yerusalem. Oui bien aimé frère. Ndio bapendo anduku. Oui bien aimé sœur. Ndio bapendo adada. Mais cette ville. Lakini muji, ile muji. La nouvelle Jérusalem. Ile Yerusalem mupya. Qui est construite sur au-dessus de la Jérusalem terrestre. Yenye kuyengwa yule Yerusalem pa dunia. Admiré par tout le monde. Ita pendezwa na watu wote. Même les enfants d'Abraham, Ibrahim, nabo, ils vont admirer. Nabo batatapa ile muji. C'est là où restent les hommes célestes. Et même quand les nations viendront, ils diront, c'est là où ils habitent. C'est vrai frère. Dans le millénium, il y a les jours et les nuits. Mais dans la nouvelle Jérusalem, lakini Yerusalem mupya, vous voyez, munaona, il n'y a pas de jour et de nuit. Hakuna busiku na mchana. Christ est la lumière. Christ ni nuru. Christ est le soleil. Christ ni jua. Et les portes na milango ne se fermeront pas. Haitafungwa kamwe. Comme nous l'avons lu ici dans Apocalypse 21. Vile tulisoma mufunuo. Les portes ne se fermeront pas. Milango haitafungiwaka kamwe. Ça c'est dans la nouvelle Jérusalem. Eh, mni Yerusalem mupya. Dans Esaïe 60. Mon Isaïe makumi sita. Il en parle, verset 11. Isaïe makumi sita, mustari wa kumi. Les portes de la Nouvelle Jérusalem. Milango yako. Les portes seront toujours ouvertes. Itakuwa siku yote wazi. Elles se fermeront ni jour ni nuit. Haitafungiwa hata usiku hata mchana. Afin de laisser entrer chez toi les trésors de nations. Dieu a kuachilia ya kuingia ndani yako hazina ya mataifa. Et les rois avec leurs suites. Na mataifa na bafalme yabo na bengine. Voyez bien mes frères. Naona wapendwa. Voyez bien mes sœurs. Munaona wapendwa dada. C'est pourquoi. Ndio kwa maana. Nous avons de grandes promesses. Tuko na malako mkubwa. Que nous ne pouvons pas hypothéquer avec les choses de ce monde. Ile ambayo hatuweze kui. Nous ne pouvons pas hypothéquer. Hatuweze kuitoa juu ya vitu vya dunia. Non bien aimé frère et sœur. Hapana bapendwa ndugu na dada. Je vous conseille mon frère. Na kushauria ndugu yangu. Je vous conseille ma sœur. Na kushauria dada yangu. Faites tout ce qui est à votre pouvoir. Fanya yote kwa nguvu yako. Pour être scellé du Saint-Esprit. Jo uwekewe muri ya Roho. Ça la garantie. Jo hakikisho. Vérité toutes ces choses. Ya kuriti vitu vyote. Dans le nom de l'agneau. Ya kwenda makarama ya mwana kondoo. Et de vivre. Na kuishi. Dans la Jérusalem céleste. Mu Yerusalemu ya kumbingu. Oui, bien aimé frère. Munaona wapendwa ndugu. Le millénium. Miaka elfu moja. Est différent. Iko yenye kuachana. De la nouvelle terre. Na ulimwengu ya mupya. Si le Seigneur me donne le temps, je vais encore expliquer ça. Kama Mungu anipa wakati tena nitafasiria hayo. Le millénium. Miaka elfu moja. Haina. La nouvelle terre. Haina dunia mupya. Ou le nouveau ciel. Non. Au mbingu mupya hapana. Dans le millénium, miaka elfu moja, nous avons la nouvelle Jérusalem, tuko na Yerusalema mupya, qui descend en haut, yenye kushuka toka mbingu, et qui se place, na yenye kushimama, au-dessus de la Jérusalem terrestre, yulu ya Yerusalema ya padunia. Et là, il y a la notion de temps. Mule muko ma wakati. Il y a les gens qui vivront une vie normale. Tuko bantu wataishi tu maisha ya bantu bote. Mais dans la nouvelle terre, lakini mudunia mupya, na mbingu mupya, là c'est l'éternité. Mule ni milele. Là on ne compte plus. Mule baisabi tena wakati. Il n'y a plus de jours. Hakuna mashiku. Vous voyez? Mnaona? Le millénium. Miaka elfu moja. Et le type dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Ni bicha mwagano la kale. Du septième jour. Ya shiku ya saba. Qu'est-ce qui a eu au septième jour? Ni nini kuyaka mshiku ya saba. Dieu a travaillé six jours. Mungu alitumikaka mashiku sita. Arrivé au septième jour. Kufika mshiku ya saba. Il se reposa. Akapumzika. Vous voyez? Mnaona? Il se reposa. Alipumzika. Toutes ses œuvres. Kazi yake yote. C'est ainsi que ni muhimu. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament. Wakati mnasoma mwagano la kale. Dans les lois, précisément dans Lévitique chapitre 23 et ailleurs, vous constaterez qu'il y avait des fêtes que Israël devait célébrer dans une année. Vous voyez? Je ne suis pas là parce que je vais encore vous embrouiller. Shina kule juu naweza kuvuruka. Vous prenez sur les fêtes. Napasha nibebe kwa mafundisho mzima juu ya makaramu. Le millénium, c'est que vous devez retenir. Miaka elfu moja kile mnapasha kushika. D'abord, est différent. Kia kwanza nyenye kwa chana. De la nouvelle terre et de nouveau ciel. Ya dunia mupya na mbingu mupya. Le millénium dans la Bible. Miaka elfu moja mu Biblia. Et le type. Ni picha. Du septième jour. Ya siku ya saba. Le jour du repos. Siku ya mapumziko. Mais tandis que. Lakini japo. La nouvelle terre. Dunia mupya. Et le type du huitième jour. Ni picha ya siku ya mnane. Où on faisait. Mule baranza kufanya. Une convocation sainte. Aliko takatifu. Ici, il faut être un lecteur de la Bible. Il faut comprendre ce que j'ai dit. Ah, bon, on a pas chaque fois que son Bible ou elle est bien nous nassème. Mais vous pouvez le lire là, dans. La kine monnaie d'Abu Soma Mbalawi, ma Balawi. Et vous comprendrez cela. Namtele wa ile. Surtout dans son verset 36. Maramingi mule musura makumita tunasita. La nouvelle terre. Dunia mpya. Lui est le type. Yo ni picha. Du huitième jour. Ya siku ya munane. Et le huitième jour. Na ile siku ya munane. Était une sainte convocation. Ilikuyaka ni aliko takatifu. C'était le retour. Ilikuwa ni kurudia. Voyez. Munaona. Au premier jour. C'est-à-dire que c'était un cycle. Ilikuwa ni kurudia. Ça représente l'éternité. Iko naonesha milele. Vous voyez. Munaona. Dans la nouvelle Jérusalem. Mule mu Yerusalemu mupya. Il n'y a pas la notion de temps. Mule amuna mambo yenye kuangalia wakati. Pour vous alléger la chose. Dieu kumile keshia. Dans le millénium, il y a la notion de temps. Mu millénium muko mambo ya wakati. Mais dans la nouvelle terre, il n'y a pas la notion de temps parce que c'est l'éternité. Lakini mu dunia mupya amuna mambo ya wakati juu mule ni milele. Dans le millénium, c'est un monde imparfait. Ni ulimwengu ya shipoka kamilifu. Parce qu'on y parle encore du péché. Jumule wanasemea mote na zambi. On y parle de la malédiction. Wanasemea molana. On y parle de la mort. Wanasemea lupu. Vous voyez? Unaona. Mais dans l'éternité, lakini mu milele, dans la nouvelle terre, mu dunia mupya, c'est la perfection. Mule ni ukamilifu. Il n'y a plus de péché. Hakuna zambi kule. La nouvelle terre, dunia mupya, c'est le retour au premier jour. Ni kurudia kushiku umashiku ya kwanza. Au millénium, mu miaka elfu moja, Satan et les démons, Satan na mademona, existent. Beko ako. Mais, lakini, ils sont enfermés. Beko venye kufungwa. Mais dans la nouvelle terre. Lakini mu dunia mupya. Satan. Shetani. Est complètement détruit. Anaisha kabisa kumalizika. Voyez la différence. Munaona chanisho. Ici au millénium. Umu miaka 1000. Satan existe. Shetani iko hapo. Mais il est en prison. Lakini mkifungo. C'est pourquoi après le mille ans. Ndio kisha miaka 1000 atatoka tena. Pour maintenant faire la guerre. Ndio kuleta mvita. Kubatakatifu. Et à la ville. Na kwa mji mtakatifu. C'est pourquoi il y aura encore la guerre de Gog et Magog. Vita ya Gog na Magog. Donc la 4e guerre mondiale. Vita ya ine ya ulimwengu mzima. Satan ne va pas utiliser les 144 000 les guerres de force. Non. Apana. Pour les séduire, pour attaquer la nouvelle Jérusalem. Là, ce sont les gens non nés de nouveau. Ce sont les gens rachetés. Il va utiliser atatumia ces nations ma mataifa, inconvertis païens païen, qui ont eu la grâce parce que pendant la guerre d'Armageddon, Armageddon, ils ont appuyé Israël et qui ont vécu na, qui ont vécu dans les millénaires na baraishi mule mumia kelfu moja. Quand Satan est libéré, les démons sont libérés, ils vont aller vers ces gens-là. Abatenda pa kubale bantu bale. Vous voyez. Unaona. Donc dans les millénium, mule mumia kelfu moja, Satan, Shetani, existe, ekwako na mademona, mais ils sont liés. Lakini bekufungwa, beko mkifungo. C'est comme ici chez nous. Ni savez où kwetu. Si vous avez un grand bandit. Kama uko na bandi mkubwa. Qu'on appelle Kashimoko. Ule wanaita Kashimoko. Quand Kashimoko est attrapé. Kati Kashimoko bana mbamba. Il est en prison. Eko mkifungo. La ville, la cité de Kambo Mujia est Kambo, en paix. Inakuwa msalama. Mais dès qu'on relâche Kashimoko. Wakati banaacha Kashimoko. Il recommence. Anaanza tena. Maintenant quand il recommence. Sasa wakati anaanza tena. On l'attrape de nouveau. Bana mbamba tena. Maintenant là, on les gorge. Allez, on mukata kichwa. Et c'est fini, il disparaît. Na kunaisha anapotea. Dans la nouvelle terre, mu dunia mupya, Satan n'existe plus. Shetani ashina amumule. Dans la nouvelle terre, mu dunia mupya, il n'y a rien à construire. À mon acquis, qui les bateaux taillent. Dieu a fait ma baïkale. Tout est déjà construit. Ni bien kuisha kuyengewa. C'est ça même qui fait. C'est ça qui accomplit. La promesse de Jésus. Je suis allé. Je m'en vais pour vous préparer une place. Nenda kumitayarishia fasi. Dans la nouvelle Jérusalem, dans le millénium, il y a encore des maisons à construire. Mais tandis que c'est la nouvelle terre, tout est déjà construit. Biote washa kubienga, biote. C'est vrai, frère. Nikweli nduku. Je m'arrête ici parce que le temps est arrivé à la fin. Mashimami hapa juu wakati inafika kumwisho. Nous allons continuer. Tutaendelea. Voyez bien mes frères. Non, pendo andoko. Dieu nous aime. Mungu anatupenda. En tant qu'épouse des nations. Sawa bibi arusi ya mataifa. Nous devenons les plus privilégiés. Tunakuwa bantu benye kuya na bahati mkubwa. Plus que tout le monde. Kupita bantu wote. Nous sommes les plus privilégiés. Tuko bantu bale banabebwa na bei zaidi. Qu'Israël. Kupita Israël. Quel vieille folle. Kupita babikira bafumbafu. Parce que nous sommes l'épouse. Je tuko bibi wa arusi. C'est pourquoi lutter pour cela. Je kwa maana mkombane juu ya ile. Ne soyez pas trouvés dans la période de la colère de pendant que la colère de l'agneau se déverse sur la terre. Apana kupatikana mwa. Évitez cela. Mwakati ile mwana kondeko na mwanga sirani akipa dunia. Faites tout ce qui est à votre pouvoir. Abandonnez le péché. Abandonnez la négligence. Croyez sincèrement au Seigneur. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Menez une vie sanctifiée. Vous allez habiter la Jérusalem céleste. Jérusalem, il est à Kumbingu. Et vous irez aussi dans l'éternité. Na utaenda mumilele. C'est vrai, frère. Ikweli nduku. Pour ceux qui veulent lire la différence. Abale beko napenda kusoma chanisho. Entre le millénium. Katikati ya miaka elfu moja. Et la nouvelle terre. Na dunia mupya. Allez lire. Mwende mkasome. La demeure future de l'épouse. Makao yenye kuya ya bibi harusi. Pour ceux qui écrivent, kwa bale kunaandika, au paragraphe kunukta yake, 194, 198 à 232, 171, allez jusqu'à 271, allez jusqu'à 274. Ndugu Branham unafasiria ile. Et vous y trouverez certaines explications de ce que je vous ai donné. Na mtapata mafasirio ya bimoya bile mimi namionyesha. Vous voyez. Unaona. Pour ce matin, Dieu a yasubui. Que le Seigneur Bwana vous bénisse. Amibariki. Levons-nous pour la prière. Tushimame juu ya maombi. Siku baragumu yake Mungu itakapoli pambazu ramile itana. Siku mani kusala ye ata ita kila chini ata ita.